Il y a plusieurs siècles que les industriels, les chefs d'État et les dirigeants de toutes sortes du monde civilisé réalisent que la civilisation, notamment industrielle, ravage le monde. Il y a un siècle, en 1923, se tenait à Paris le premier congrès international pour la protection de la nature. Il rassemble du 31 mai au 3 juin 300 participants et 17 pays. C'est un véritable succès. Il est organisé par la Société nationale d'acclimatation de France qui a déjà une longue histoire derrière elle. Créée en 1854, elle est aujourd'hui appelée Société nationale de protection de la nature. La Ligue française pour la protection des oiseaux, 1912, et la Société pour la protection des paysages de France, 1901, et se déroule au Muséum national d'histoire naturelle. Les interventions portent sur 5 sections. La faune, la flore, le sol et le sous-sol, les sites et paysages, et une section générale sur les réserves, refuges, parcs nationaux et jardins publics. Le congrès réunit scientifiques, industriels, forestiers, artistes, associations, et est l'occasion de partage d'expériences sans précédent. Il marque le début de l'institutionnalisation et de l'internationalisation de la protection de la nature. Un siècle après, on mesure l'étendue du succès, le néant. Le désastre n'a fait que s'étendre, empirer. Mais évidemment, ces premiers événements internationaux dédiés à la sauvegarde de la nature sont des farces. On y loue le progrès industriel tout en déplorant les dégâts qu'il cause. On y affirme vouloir préserver l'environnement, mais aussi et avant tout garantir la liberté de commercer et les progrès de l'industrie. En d'autres termes, on y associe déjà l'écologie à la chimère absurde du développement durable. Compter sur les industriels, les entreprises, les États pour remédier aux ravages du monde, qui est la raison pour laquelle ils existent en premier lieu, qui leur procure richesse et puissance, c'est pire que croire au Père Noël. Nicolas Cazot. Micro ouvert. Rencontre. Ah, ça en fait quand même des rencontres avec ce micro ouvert, hein. C'est dingue. Et là, c'est toujours marrant et surprenant quand les gens ils acceptent, et c'est chouette évidemment, parce que sinon ça marche pas le micro ouvert. Donc ici, j'ai une personne en face de moi qui s'appelle Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour. Ça va ? Ça va, merci. On est dans un endroit spécial, t'as envie de le décrire ou on s'en fout ? Bah, c'est le Pan du Jour à Namur. C'est un endroit où j'ai fait une super chouette rencontre et qui malheureusement va fermer. Et pourquoi ça va fermer ? Ça, je n'en sais rien. Parce que ça ne tourne pas. C'est ça qu'on m'a dit, parce que les gens vont se demander, tiens, pourquoi ça ferme ? Parce que ça marche pas, en gros. Bah, disons que c'est vraiment cosy. Moi, je venais ici, j'avais l'impression d'être invitée chez toi-même. Julie. Chez Julie. Voilà, j'avais l'impression d'être son invitée. Et en fait, elle fait beaucoup de choses qui soient végétariennes ou véganes. Ça reste quand même à destination d'une communauté assez restreinte. Donc je comprends que ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y avait pas suffisamment de clients peut-être vraiment intéressés et prêts à mettre le prix pour cette qualité qu'elle proposait. D'accord. En fait, c'est à côté du cinéma Caméo. Oui, c'est ça. Qui est un cinéma d'auteur. Oui, engagé aussi, en effet. Bon, eh ben, Laetitia, moi j'avais envie de te rencontrer parce que il y avait un échange sur le réseau, un échange écrit quoi que j'ai pu lire, enfin que tout le monde pouvait lire, hein, où la phrase c'était « on ne va pas culpabiliser les gens parce qu'ils voyagent en avion ». Alors évidemment, il faut recontextualiser cette phrase, ça tu comptais le faire, mais moi j'aimais bien parce que toi, alors il y a plein de gens qui ont réagi, mais toi j'aimais bien parce que tu parlais que ce n'est pas une question de liberté, mais c'était plutôt une question de privilège. Donc je répète, on ne va pas culpabiliser les gens parce qu'ils voyagent en avion. Il y en a qui disaient, ben si, on va les culpabiliser. Quel est votre mode de transport alternatif pour aller en Grèce, par exemple ? Alors, réponse, ne pas aller en Grèce, repenser ses vacances, garder les voyages en avion comme une grande exception. Sinon, c'est possible d'aller en Grèce sans prendre l'avion, ça prend plus de temps, c'est une aventure en soi, et ça chamboule toute une manière de voyager, mais c'est possible. Donc voilà, il y avait plein d'avis comme ça, et le tien était un peu... j'aime bien. Donc, c'était liberté. Ce n'est pas de la liberté, c'est du privilège. C'est des privilèges, voilà. Mais avant de rentrer dans le vif de ce sujet-là, t'as envie d'un peu... Comment t'as envie de te présenter, toi? T'es qui Tu fais quoi dans la vie, par exemple? Qu'est-ce qui t'intéresse? Comme ça, on a un petit portrait de toi, même si c'est très réducteur. Hein. À la limite, on devrait même pas savoir tout ça. On s'en fout, je sais pas. Non, ça va, je peux me présenter rapidement. Mon activité principale, c'est de faire de la sensibilisation et surtout de, non pas juste sensibiliser, mais faire comprendre aux gens peut-être déjà sensibilisés comment fonctionne le monde et la merde écologique dans laquelle on est, si je peux utiliser des mots comme ça. Parce qu'en fait, tout est lié. Et donc, je suis souvent sur ce type de conversation à faire des commentaires qui reprennent parfois un peu du recul par rapport vraiment au sujet précis. Mais dans la vie concrète, tu fais quoi, t'es quoi parce que donner des conseils, c'est quoi ça fait? Tu donnes des conseils sur uniquement sur le réseau social? Non, j'ai un projet vraiment où je relaie des ressources, mais ça c'est un projet tout à fait bénévole. Sinon, j'ai travaillé dans le domaine du jeu de société, dans l'édition. Et là, je suis en maladie longue durée après un burn-out que j'ai fait. Et un burn-out dû à ton travail, alors? C'était un peu complexe. Il y avait un peu de travail, il y avait un petit peu de familial aussi. Et puis, il y a simplement ma gestion aussi de mon intégration dans le monde qui est un petit peu difficile dans cette société qui ne me correspond pas tout à fait. D'accord. Bon, on démarre alors avec cette idée de... On ne va pas culpabiliser les gens parce qu'ils voyagent en avion. Allez. Toi, tu avais envie de recontextualiser cette phrase. Oui, voilà. Donc, le propos initial de la personne chez qui j'ai réagi, justement, elle remettait cette phrase en contexte en disant, ben voilà, on sort une phrase de son contexte et puis on peut critiquer la personne du MR qui avait dit ça. Et puis, c'est une personne du MR qui a dit ça. Oui, voilà. Et donc, moi, quand j'ai lu la remise en contexte, j'ai pas trouvé que ça changeait grand-chose parce que la personne prônait une vision globale. Et justement, en se focalisant sur l'avion, en fait, il faisait exactement l'inverse, de se focaliser sur quelque chose de très très précis, sans voir tout le système qu'il y avait autour. Et donc, on pourrait très bien, d'un côté, prendre l'avion et dire « on va pas culpabiliser les gens pour l'avion », puis après prendre la viande et dire « on va pas culpabiliser les gens parce qu'ils mangent de la viande », et faire comme ça tous les aspects de notre vie, de façon séparée, tout en disant qu'il faut voir les choses de façon systémique. Donc voilà, c'était ça que je voulais pointer au départ. Et alors, par rapport à cette phrase de « on va pas culpabiliser les gens », il y avait toute une série de personnes qui réagissaient sur le thème de la liberté. On peut pas les empêcher de faire ce qu'ils veulent. Et s'ils veulent prendre l'avion, qui est-ce qu'on est pour les empêcher? J'ai remis un peu en contexte en disant que prendre l'avion n'est pas une liberté, c'est un privilège. Donc, ça veut dire quoi, ça? C'est ce que tu dis, là. Alors, un privilège, c'est quelque chose qu'une très, très petite fraction des gens qui vivent sur Terre peuvent se permettre. Donc, si on reprend toute l'histoire de l'humanité, déjà là, depuis à peu près 150-200 ans, on a les grands bénéfices du pétrole, par exemple, qui nous ont permis de développer la société dans laquelle on est actuellement. Les grands bénéfices du pétrole, tu dis ça sans humour? Oui, bien sûr. Mais oui, tu dis ça avec un ton tellement sérieux. Mais bien sûr, sans pétrole, ma fille serait morte, en fait. Elle a pu bénéficier d'une opération, on lui a fallu l'amener à l'hôpital. Tout le plastique qui sert au médical, c'est du pétrole aussi. Donc le pétrole, c'est quelque chose d'absolument fantastique, et je comprends très bien que l'humanité ait basé toute sa civilisation là-dessus. Oui, mais alors là, on est obligé de rentrer quand même... On va dire que c'est génial, le pétrole, mais c'est aussi très merdique, le pétrole. Tu vois, tu peux pas simplement donner un aspect de la chose. Tu es obligé aussi de donner... Tu comprends? Et là, je trouve que il faut être le plus... Comment on dit? Nuancé. Ouais, peut-être, c'est pas le mot, mais il faut regarder les choses comme elles sont aussi. Oui. Pourquoi on est dans la merde aujourd'hui? C'est le pétrole, quand même, non? Pas que. Je pense que on aurait pu être plus ou moins soutenable si on avait utilisé tout ça de façon rationnelle et de façon rationnée. Voilà, donc là, je disais surtout, les bénéfices du pétrole, ils existent, ils sont là, et je pense qu'ils sont indéniables. Après, voilà, il y a le revers de la médaille, et en fait, ça, c'est vraiment une catastrophe absolue. Donc c'est le pétrole, c'est le gaz, c'est le charbon pour les gaz à effet de serre, voilà, donc pour le CO2, etc. Mais par contre, quand on prend les choses de façon systémique, En voyant vraiment la globalité, le CO2 et le changement climatique n'est pas le seul et le premier problème qu'on a. On a d'autres problèmes qui sont la façon dont on occupe la Terre, la façon dont on considère la nature, la façon dont on rase la biodiversité. Et même si on avait une énergie absolument propre et infinie, ce qui n'existe absolument pas sur Terre, on est d'accord, mais si on avait cette énergie-là, la question c'est qu'est-ce qu'on ferait avec ? Et donc si on va aller raser les forêts d'Amazonie parce qu'on a une énergie et qu'on a besoin du bois pour construire des trucs ou qu'on a besoin de la terre pour faire des centres commerciaux, enfin ou que sais-je, il y a toujours cette question de l'usage en fait pour moi qui est vraiment centrale. Qu'est-ce qu'on fait avec les ressources qu'on a et qu'est-ce qu'on fait qui justifie ou qui... Enfin oui, justifie c'est encore un mot assez fort, mais je vais l'utiliser quand même. Qu'est-ce qu'on fait qui justifie la pollution qui va finalement se retourner contre nous-mêmes et contre les générations qui arrivent aussi ? Là, on est déjà dedans, donc nos ancêtres auraient déjà dû se poser la question. Certains l'ont fait, mais avec peu de succès. Donc c'est vraiment cette question-là à se poser, c'est mettre dans la balance, d'un côté, quels sont les bénéfices, de l'autre côté, quels sont les inconvénients, ce qui est un mot pas assez fort dans le cas actuel, mais c'est l'idée, et se demander, tiens, est-ce que ça vaut la peine ? J'essaye de suivre. Hein. Est-ce que ça vaut la peine ? Est-ce que ça vaut la peine de quoi ? D'utiliser cette ressource-là pour faire ce que l'on fait aujourd'hui, c'est ça ? Voilà, c'est ça, exactement. Donc moi, par exemple, si je veux aller chercher mon pain à 300 mètres de chez moi, je vais d'abord me demander, est-ce que j'ai besoin de ce pain ? Parce que si je l'achète et puis que finalement on le mange pas et que je le jette, bah, c'est du gaspillage. Gaspillage de ressources et de tout ce qu'il a fallu pour le faire. Plus gaspillage en termes de pollution. Bon, du pain, je pense que ça ne pollue pas trop. Si je le laisse au fond de mon jardin, il finira par se dégrader parce que ça reste biodégradable. Maintenant, si j'achète autre chose qui se dégrade et que... Qui se dégrade pas ? Tout se dégrade. Non, mais tu vois, un sac plastique, il paraît que ça prend 100 ans. Ouf. Non, mais t'as déjà entendu ça. Moi, je ne l'ai pas vérifié par moi-même, mais on lit ça. Que le plastique, ça prend des plombes à mourir dans la nature, quoi. C'est pire que ça. Bon, bah, t'es d'accord que c'est pas, tout meurt peut-être, mais avec des temps différents. Alors c'est pire que ça parce que le sac plastique, on va dire qu'il faut un certain temps pour qu'il se dégrade. Sauf que se dégrader, ça veut dire quoi ? En vrai, ça veut dire se décomposer en minuscules bouts de plastique qui vont quand même rester là. Voilà. Donc ça va pas disparaître en fait, ça va juste faire beaucoup plus de mini-bouts qui vont peut-être aussi se retrouver dans les eaux, etc. Dans la flotte, ouais. Voilà. Bah donc t'es d'accord que tous les matériaux ne... Parce que c'est... Hein ? Bah, tout se dégrade tout le temps en fait. Oui, mais pas... Il y en a qui c'est mauvais, le plastique, je reprends l'exemple, mais peut-être il y a d'autres exemples aussi. Enfin, tout n'est... Ou sinon, ça va, on vivrait bien sur cette terre et il n'y aurait pas de problème, quoi. Oui, voilà. Bah, bêtement, toutes les peintures qu'il faut renouveler régulièrement, bah, c'est des choses qui se dégradent aussi, qui se dispersent. Les peintures de quoi tu parles ? Bah, on peint la façade de la maison, par exemple, ça va se dégrader. À un moment donné, il faudra repeindre. Les marquages sur la route, il faut les refaire régulièrement. Et... Oui, mais tout ça, c'est parce que waouh ! Mais c'est bien, on est parti. Mais tout ça, ce sont des matériaux chimiques, quoi. On n'en a pas forcément besoin à la base. Oui, voilà, bah, l'usage, on en a besoin. On a besoin de marquer la séparation de la route. Après, la question, c'est avec quoi ? Non, mais voilà, c'est ça qui est intéressant quand on parle. C'est, bah, il n'y a pas besoin de route. Réfléchissons, il n'y a pas besoin de route. Il n'y a pas besoin de marquage. T'en es pas là, toi ? Quand même, tu veux garder... Ce que je comprends de ta pensée, même comme ça, depuis combien de temps on parle ? 10 minutes ? C'est très réducteur. Hein. C'est que toi, le pétrole, d'accord, mais on l'utilise mal. Et si c'était mieux utilisé, ça irait mieux. Et évidemment, continuons le système dans lequel on est, mais modérément, quoi. Soyons plus... moins voraces, quoi. C'est ce que tu as l'air de penser. Non, je me trompe ? Pas du tout. De quoi non, pas du tout ? Le système, pour moi, n'est pas viable. Donc il y aurait moyen, je pense, de baser un système de long terme. Enfin, il y aurait eu moyen il y a très très longtemps, il y a genre 200 ans. Donc en soi, le pétrole, je trouve qu'en effet, ça a beaucoup d'avantages. Mais pas la société, le système dans lequel on l'utilise. Là, on est dans un système qui est extractiviste. Donc on va aller piller vraiment les ressources de la planète pour en faire globalement des revenus économiques. Donc pour nourrir un système. Et finalement, quel est le but final ? C'est pas nécessairement de vivre mieux, même si jusqu'à un certain point, ça nous le permet. Le but, c'est de nourrir une espèce de machine économique qui s'auto-entretient et dont on fait malheureusement partie. Donc les routes, est-ce qu'on en a besoin ? Ben, on ne peut pas le nier. Dans le système actuel, on est obligé d'avoir des routes parce qu'on a des voitures. On ne peut pas du jour au lendemain claquer des doigts et changer complètement de système. Donc on doit d'un côté faire avec la réalité ce qui est réellement et de l'autre côté savoir vers où on veut aller et agir dans cette direction-là. J'entends bien ce que tu dis, mais c'est comme s'il y a deux manières de penser. Il y en a une très concrète. Demain, qu'est-ce qu'on fait pour changer le système dans lequel on est ? Et évidemment que les routes sont là, on ne va pas pouvoir les faire disparaître comme ça. Et une autre pensée qui est déjà simplement d'imaginer un autre monde, sans être pragmatique, sans être dans le concret, mais simplement dans l'imagination. À la base, l'être humain, il n'a pas besoin des routes. Tu es d'accord avec moi ? Moi, dans mes lectures, dans l'histoire des êtres humains sur la Terre, je veux dire, ils n'ont pas besoin des marques sur la route. Ils n'ont pas besoin de macadam, les voitures non plus. On est carrément dans une... Je parle vraiment d'imaginer autre chose que ce qu'on nous impose comme manière de vivre. Hein. Tu vois, c'est deux choses différentes. Mais par contre, je te suis sur l'idée que, évidemment, demain, s'il fallait changer le système... bah oui, les routes sont là, mais est-ce qu'on continue à les entretenir ou pas, ou on les laisse justement se transformer avec la nature, on laisse la nature transformer ces... Parce que les routes, regarde, c'est un truc de dingue, les routes, les autoroutes, les nationales, les départementales. Quand je dis les départementales, c'est plutôt français, ça, non ? Oui, c'est plutôt français, en effet. Non, mais on se suit dans la pensée ? Oui, bien sûr. C'est juste que c'est très complexe et qu'il faut que je refasse, que je clarifie mes idées. Oui, mais c'est très complexe. Mais moi, ça a simplement envie d'entendre, tiens, qu'est-ce que tu dis quand tu parles de liberté et quand tu parles de privilège ? Parce qu'au départ, c'était ça. Si tu savais un peu approfondir l'idée. Oui. Donc là, pour rebondir sur les routes, en fait, je reviens à ce que je disais avec ma boulangerie tout à l'heure, c'est quel est le besoin ? Le besoin, c'est celui de se déplacer d'un endroit A à un endroit B. Qui dit ça ? Pour un but. Bah, qui dit ça ? Qui dit qu'on a besoin de se déplacer d'un endroit A ? Ben, moi. Mais non. Si, il y a des besoins qui ont toujours existé. On s'est toujours déplacé pour aller chez ses voisins. Ça, il n'y a pas besoin de voiture pour aller voir son voisin. Voilà, mais je suis tout à fait d'accord. Ni d'autoroute, ni de route. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a eu aussi, historiquement, un revers, c'est-à-dire que l'industrie automobile, servant le système économique, a aussi fait beaucoup de pression pour construire ses autoroutes, pour démanteler les systèmes alternatifs. Donc les rails, par exemple, pas les trains, mais tout ce qui était tram, etc. Et donc, on a été un peu forcés d'aller vers cette voiture qui était aussi une liberté. Hein. C'était vendu comme ça. On en revient à ça. Non, mais on est d'accord. Je veux dire, cette bagnole, il faut savoir qu'au tout départ... Mais tu vois, on va pas refaire l'histoire, mais je veux dire, les gens en avaient peur. Hein. Il y a plein de gens qui se faisaient écraser. Ça faisait un boucan, ça puait. Ça n'a pas été comme ça. La voiture n'a pas été vendue facilement comme ça. Maintenant, évidemment, c'est devenu indispensable. Mais on nous l'a rendu indispensable. Tu comprends la différence ? Mais au départ, il n'y en a pas besoin. Oui, je suis parfaitement d'accord. Ce que je disais, le besoin, c'était de se déplacer. Donc avant, c'était rempli par les trams. C'était rempli par les trains, c'était rempli non, par c'était le cheval. Mais c'était plusieurs moyens qui cohabitaient. Oui, mais je veux dire, le train, c'est encore aussi quelque chose de très moderne, de très technologique, ça a un coût. Tu vois, à la base, le déplacement, ça marche à pied et ça marche à cheval. À l'époque de ma grand-mère, on marchait, je pense, en moyenne 4 km par jour. Oui, et ça tenait en forme, non ? Voilà. Mais revenons avec cette idée de liberté. Moi, j'essaie de tenir... Oui. On part chaque fois sur autre chose, hein, mais il n'y a pas de souci. C'est pas grave. Liberté et privilège. C'est ça. En fait, je voulais remettre en contexte au départ, et c'est vrai qu'on a un petit peu digressé. Ce que je voulais dire, c'est que le pétrole, en fait, est une parenthèse de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les gens ont vécu sans pétrole, à part pour des usages très minimes. Le maquillage en Égypte, par exemple, des trucs comme ça, c'était du pétrole qui était disponible sans creuser. Ah ouais ? Ça, ouais. Tu m'apprends quelque chose. Hein. Voilà. Le maquillage, c'est ça. Ouais, les yeux noirs en Égypte, c'était ça. Et voilà, j'ai commencé à lire un livre qui s'appelle Or noir de Mathieu Ozano, qui est incroyablement riche sur l'histoire du pétrole, justement. Bon, voilà, j'ai pas encore la fin, c'est en cours. Donc, c'est quelque chose qui existait. Et en fait, l'usage qu'on en a actuellement, c'est vraiment une parenthèse dans l'histoire de l'humanité. Donc, si on prend tous les humains qui ont toujours existé et qui existeront par la suite, on est déjà des privilégiés d'avoir accès à ça dans notre société actuelle. Comme je disais tout à l'heure, de pouvoir avoir accès à un système médical basé essentiellement sur le pétrole bon marché et abondant. Donc c'est vraiment ça qui fait notre société. Maintenant, cette société-là, elle a 150 ans. C'est rien du tout dans l'histoire de l'humanité. Et on va en sortir progressivement parce qu'on a déjà passé le pic de pétrole conventionnel en, je pense, 2006 ou 2008. Donc c'est quelque chose qui est déjà sur le déclin avec notamment le taux de retour énergétique. Donc là, j'amène plein de nuances, plein de concepts qui ne sont peut-être pas connus. Donc le taux de retour énergétique, je dois peut-être expliquer. Oh, je ne sais pas si on doit rentrer comme ça dans... Parce que là, c'est très mathématique, c'est très conceptuel. Tu vois, moi, j'aime bien discuter parce qu'évidemment, même quand on parle de la couche d'ozone ou du CO2, ça devient des discussions sur le... l'état du monde très, complexe, quoi, tu vois. Il faut déjà avoir le langage, les mots. Moi, je suis plus à discuter vraiment de... On réfléchit, quoi. On fait marcher notre pensée, là. Et évidemment, tu peux avoir des informations que je n'ai pas. Et je suis je serais contente d'échanger avec toi là-dessus. Mais il faut que ce soit compréhensible, quoi. Par exemple... Ce que j'ai compris, c'est que tu dis que les privilèges, c'est parce qu'on vit le privilège, nos privilèges, c'est parce qu'on vit dans une société de pétrole, quoi. Et qu'on en fait quelque chose comme la santé, c'est ça ? Oui, comme la santé, mais c'est ce qui nous permet aussi d'avoir plein de loisirs. C'est ce qui nous permet aussi, donc le pétrole et les autres énergies fossiles, d'avoir autant de machines qui font du travail pour nous. Donc nous, on nous a libéré du temps grâce à ces machines-là, bah, qui polluent de façon indirecte. Et donc ce temps-là, on peut l'utiliser pour des loisirs, pour aller voir des gens, pour réfléchir. Ben voilà, on est ici, c'est parce qu'on ne doit pas aller travailler dans les champs, en fait. Donc le pétrole a vraiment libéré toute une partie de la population du travail dans les champs. Oui, mais après, c'est toujours ces questions-là. Mais qui nous dit pas que travailler dans les champs, c'était sympa ? Je veux dire, je suis sûre qu'on n'était pas obligé de travailler comme on travaille. Enfin, t'as déjà entendu tous les burn-out aujourd'hui du travail, tous les gens qui perdent le sens de leur travail parce que ça n'a aucun sens. Donc, on n'est pas dans une société non plus. J'entends ce que tu dis pour les loisirs, tu vois. Mais je suis pas sûre que c'est le raisonnement. Genre, parce qu'on a plus de temps aujourd'hui, alors. On aurait plus de loisirs et ça c'est du privilège, quoi. C'est un peu un raccourci pour moi, tu vois, parce que j'ai l'impression qu'il y a une période de l'histoire qu'on transforme. D'abord il faut déjà lire je sais pas si t'es d'accord avec ça, la vraie histoire, parce que souvent elle est transformée, l'histoire. C'est souvent les vaincus qui racontent l'histoire et les vaincus. C'est bien entendu pas les vaincus, c'est les vainqueurs. Vous l'aurez compris. Les vainqueurs aujourd'hui, tu te sens victorieuse, toi ? Je ne sais pas. Non, mais tu vois, je veux dire, on est dans un système qu'on n'a pas choisi. On est très, soumis. On est un peu dépassé par ce qui se passe. Je veux dire, notre énergie, on est obligé de s'en remettre justement à des experts qui vont nous raconter que c'est mieux que le nucléaire, que je sais pas tout quoi, ou le contraire. Tu comprends ? On est complètement dépossédé de notre savoir-faire, du concret de la vie. Tu vois ? Alors, c'est super drôle parce que tu donnes l'impression qu'on n'est pas d'accord alors que fondamentalement, on l'est totalement. Non, je crois pas, parce que au début, quand on discute, tu vois, je t'entends dire quand même que c'est ça qu'on a du mal à dire, c'est que le système dans lequel on est, quand même, il est bien. Quand même, il y a des choses bien. Et moi, je pense que le système dans lequel on est, c'est la cata. Bon, aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui le remarquent quand même. C'est la cata, c'est... Et que avant, c'est plutôt ça. Avant, c'était pas si terrible qu'on veut nous le faire croire, tu vois. Mais pour vendre la marchandise, une société de progrès, une société où c'est toujours. Avant, c'était horrible. On était dans les cavernes, on avait froid, on avait faim, on avait peur des bêtes sauvages. Moi, je crois pas forcément à ce discours-là. Ouais. Tu comprends ? Ouais, ouais. je comprends moi non plus en fait. Donc je partage, peut-être que je m'exprime pas très bien à ce niveau-là. Après, comme tu disais, que tout est complexe, mais en fait, oui, c'est complexe. Et donc, les réponses auraient besoin d'années pour être développées. Et il n'y a jamais de réponse qui soit vraiment arrêtée. Donc, même moi, je pense certaines choses pour le moment, parfois de façon paradoxale. Donc, il y a des choses que je pense, et je peux donner l'impression de penser le contraire aussi. Et c'est quelque chose que j'accepte. Et ça, ma compréhension du monde va aussi évoluer. Donc, il y a une semaine, j'aurais peut-être pas dit la même chose que maintenant non plus. Ah ouais, tu changes comme ça d'une semaine à l'autre, toi. c'est pas vraiment changer, c'est évoluer, parce que forcément, il y a des choses que je vais apprendre. Je vais rencontrer des gens qui vont, toi par exemple, qui vont formuler certaines choses de certaines façons, qui vont me faire réfléchir. Donc là, par exemple, j'ai rencontré récemment quelqu'un qui a dit « le greenwashing, c'est une victoire ». Parce que les gars, ils se sentent obligés de faire semblant tellement la pression est forte. Et en fait, j'avais pas vu ça comme ça. Donc ça, c'est quelque chose que je vais aussi intégrer dans ma façon de penser le monde. De me dire « tiens, c'est vrai, il a raison ». J'étais pas tout à fait d'accord au départ, mais d'une certaine façon, il a raison. Mais d'accord de quoi ? Que le greenwashing, c'est bien. Mais pourquoi ? Attends, c'est bien parce que les gens sont obligés de faire semblant qu'il faut changer ce système, c'est ça ? En fait, et ça, c'est bien, de faire semblant. C'est pas bien de faire semblant, c'est mieux que de s'en foutre complètement et de ne pas donner de l'argent pour des causes. Ah, mais moi, je préfère ça. Je préfère ça, au moins, c'est clair et net, tu vois ? C'est franc. Ouais. Plutôt que de jouer à faire semblant. Attends, t'as vu comment on patine ou quoi ? T'as vu comment ça prend du temps ? Les gens nous font croire qu'ils vont changer le truc. Attendez, nous, on fait des choses. Mais en fait, non. Ouais. Bon, c'est quand même une perte de temps. Donc, tu vois, tu vas de nouveau rechanger ton avis. Non, je ne change pas. En fait, le truc, c'est la formulation. Parce que c'est tellement complexe que c'est super dur à formuler une position précise. Mais oui, en fait, non, c'est pas bien le greenwashing. C'est pas bien de la récupération. Mais pour moi, il faut jouer avec les mêmes règles que ceux qui bénéficient du système. Donc si eux sont prêts à donner 10 000 euros pour une œuvre, moi je suis d'accord. Eux, c'est par exemple qui eux ? Les grosses entreprises, par exemple. Vraiment, les multinationales, par exemple. Donc, vraiment, qui d'autre encore ? Les personnes riches, je sais pas moi. Je vais citer peut-être Bill Gates, Elon Musk, enfin voilà. Après, je ne vais pas regarder qui donne quoi à qui, parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. C'est la dynamique générale, c'est-à-dire qu'en général, ceux qui sont riches et qui veulent se coller une étiquette philanthrope, ils vont donner de l'argent à quelque chose dans un certain but. Après, le but est plus ou moins louable ou pas, ça dépend aussi de chacun. Mais pour moi, c'est mieux qu'ils donnent cet argent que de le garder pour eux pour l'utiliser, en fait. Donc, je rejoins un petit peu la personne qui avait dit ça, mais ça me fait quand même tiquer encore un peu. Ok. Et comment tu fais pour t'informer, toi sur le monde, sur l'histoire, sur les gens. Comment tu t'informes ? Alors, comment je m'informe ? Par les réseaux sociaux, essentiellement. Après, il y a plusieurs réseaux, donc il y a des forums d'associations. Il y a des gens avec qui je suis en lien, des gens parfois que je croise dans la rue, et puis on garde contact. Et puis, quand on publie des choses sur Facebook, il y a des avis qui se confrontent, il y a des réflexions qui se construisent. Et alors, il y a des choses qui m'interpellent aussi, et donc je vais faire des recherches spécifiques pour comprendre un aspect ou un autre. Il y a aussi pas mal de livres, il y a pas mal de conférences sur YouTube de certaines personnes. Puis quand on voit que certaines personnes font référence à d'autres, du coup, je passe de conférencier en conférencier pour avoir une vision plus globale et voir aussi en quoi le premier conférencier fait aussi des raccourcis. Parce que chacun a vraiment sa vision, donc absolument rien n'est objectif. Donc tu disais que l'histoire était racontée par les victorieux, mais c'est quelque chose qu'il faut intégrer aussi et accepter pour moi, c'est que rien de ce qu'on nous dit n'est parfaitement objectif. Même dans une étude scientifique, il faut au départ poser des hypothèses, poser une question de recherche. On va mettre en place toute une méthodologie de recherche, mais la méthodologie, c'est des humains qui l'ont choisie. Donc parfois, elle permet de répondre et parfois, elle est à côté de la plaque, en fait. Donc c'est aussi un biais quelque part et à un moment donné, je pense qu'il faut les accepter tels qu'ils sont, en avoir conscience, sans les combattre nécessairement. À quoi tu te raccroches à quoi alors si tout est compliqué comme ça ? Justement, en fait, je crois qu'à un moment donné, il faut accepter de perdre pied et voir où le courant nous emmène. Oui, mais il y a bien une histoire qui s'est déroulée quand même derrière nous. Il y a du temps qui est passé derrière, il y a une modernité qui est arrivée, Enfin, tu vois, il y a des combats qui ont été menés. Tu comprends, il y a quand même des faits qui sont là. Par exemple, qu'on vit Allez, un exemple, les humains, paraît-il, vivent de plus en plus dans les villes et moins en moins à l'extérieur, quoi. Ça, c'est un fait, tu vois. Mmh. Oui. Tu te comprends, il y a des choses... comment je dirais? Parce que... Ou sinon... Il y a des choses qui sont claires, quoi. Mais en fait, c'est même pas si clair que ça, parce que quand on dit qu'il y a une certaine partie de la population qui vit dans des villes... Oui, mais il y a le centre-ville, puis il y a les alentours, et puis il y a de l'étalement urbain qui va encore grignoter les campagnes. Et la limite de la ville, on l'a, mais où? Parce que ça aussi, finalement, c'est un biais, c'est un choix qu'on fait de définir, voilà, la ville, c'est jusque-là, et tous ceux qui sont en dehors, ils sont hors de la ville. Donc quels sont les critères qu'on met à un moment donné pour parler de quelque chose? Parce que oui, on peut constater, même sans mettre de critères, qu'il y a plus de gens qui vivent en ville. Mais si on veut vraiment des chiffres et factualiser les choses... de façon précise, ben, il faut à un moment donné poser des choix. Et ces choix, ben, ils sont humains, et ça dépend de qui les pose, par quel processus. D'accord, mais par exemple, l'agriculture, j'entendais ça récemment, c'était 80% des gens travaillaient la terre, quoi. Je sais pas, moi, il y a même pas longtemps, tu vois, après-guerre, 80%, je sais pas si tu te rends compte, maintenant, j'entendais ça pour la France, ils sont 300 et des 1000. Non, mais tu vois, il y a des choses comme ça, on peut pas y échapper. Alors, on peut peut-être pas calculer pile poil, mais il y a quand même des mouvements, il y a quand même des fêtes qui sont là, il y a quand même, oui, tu vois, qu'on peut pas, enfin, c'est un coup de poing dans la figure, quoi. Je veux dire, avant, notre bouffe industrialisée, on va se nourrir comment aujourd'hui? Dans les magasins, après 3 jours, si les magasins sont pas renouvelés. Comment on fait pour manger? Ça, c'est... Enfin, tu comprends? Mm-hmm. Bien sûr. Ça fait partie des sujets que je traite au quotidien. Mais donc, tout n'est pas, comment dire, comme tu disais juste avant, tout n'est pas subjectif, quoi. Il y a quand même des choses, si on veut se raccrocher à des choses précises, tout n'est pas du vent, quoi. Ouais. Tout n'est pas interchangeable, tout n'est pas une opinion, tu comprends? Oui. Alors, le monde réel existe, en effet. Et en même temps, par exemple, personne ne sait expliquer le système économique. Personne. Donc, on a des économistes qui se basent sur des postulats, des croyances, qui, quand on regarde un petit peu, beaucoup se révèlent faux. Donc pour ça, je recommande le livre « Tout sur l'économie ou presque » de Gilles Mitteau, qui explique très bien ça. Et donc on a toute une série d'experts qui comprennent le monde à travers leur filtre, qui est un filtre économique, mais qui n'est même pas fonctionnel finalement. Donc sur quoi est-ce qu'on peut se baser, comme tu disais, en effet, pour se raccrocher à quelque chose? Et c'est là que, en fait, moi je ne sais plus me raccrocher à rien, tellement les choses sont complexes et la réalité nous échappe. Donc on ne saurait même plus retracer les chaînes logistiques, en fait. Même quand il y a des certificats d'origine, parfois il suffit d'un coup de téléphone pour avoir un certificat d'origine de quelqu'un qu'on connaît qui est haut placé aussi. Là, je te perds, là. Là, je perds ce que tu dis. Voilà. Donc quand on a des certificats d'origine pour certains produits... Mais quel genre de produits? Oh, je ne sais pas, je veux dire de la viande au hasard. Voilà, normalement en Europe, c'est tracé. Ou alors peut-être des produits industriels, des épices, des choses comme ça. Quand on est assez bien placé dans la société et qu'on a des contacts avec qui on s'entend bien, qui sont aussi bien placés dans notre côté de la chaîne, bah, parfois il suffit d'un coup de téléphone pour avoir peut-être un peu d'argent, pour avoir un certificat. Ouais, quoi pour mettre un certificat sur la viande, des fois il suffit d'un bon tuyau, d'une bonne connaissance bien haut placée pour mettre le certificat, quoi. C'est ça que tu veux dire? Oui, pas toi ni moi, mais à un niveau, bien sûr. Et qu'est-ce que tu veux dire avec ça? Ce que je veux dire, c'est que à peu près rien n'est fiable. Je vais dépriver tout le monde, moi. Mais non, pas du tout. Mais je veux dire, on discute, quoi. Mais là, tu pars de choses très précises et. La viande certifiée quoi? Certifiée bio ou quoi? Certifiée bio ou certifiée peut-être pour le halal aussi, je sais pas. Après, voilà, c'est pas un sujet que j'ai creusé spécifiquement, la viande, mais c'est vraiment la dynamique générale de « on ne peut pas être sûr ». Pour l'électricité, par exemple, quand on prend l'électricité verte, il faut savoir que l'électricité est vendue séparément des certificats verts. Et à un autre moment. Mais ça n'existe pas, de toute façon, l'électricité verte. C'est vraiment de la... C'est là que je te dis, et puis tu vas me démontrer. Oui, mais attends. X plus Y, que X plus Y, Z, tu vois, tu vas me démontrer. C'est une convention. C'est, on décide ce qu'on appelle l'électricité verte, on décide pourquoi on donne un certificat vert, et voilà. Et je pense que maintenant, le gaz est considéré comme vert. Donc, c'est encore une fois des conventions qu'on délimite à un moment donné. Mais voilà, si on veut ces certificats, par exemple, quelqu'un qui produit 1 mégawatt-heure d'électricité, on va dire éolienne, parce que c'est à la mode, on peut vendre l'électricité à quelqu'un, vendre le certificat à quelqu'un d'autre, et puis à un autre moment, quelqu'un d'autre va acheter cette électricité ou acheter ce certificat. Et à un moment donné, on peut se retrouver, en achetant de l'électricité verte, à consommer effectivement de l'électricité qui vient d'une centrale charbon avec le certificat vert d'électricité éolienne qui a été produite hier, par exemple. Donc, il y a plein de choses comme ça qui sont... Pourquoi c'est bien, c'est pas bien, ça ? J'ai pas d'avis, en fait. C'est juste un système dont il faut être conscient pour faire des choix. Donc, tu vois, quand tu dis... Ben moi, là, je suis perdue en face de toi, là. Hein, parce que tu me dis... Tu vois, le nucléaire, le charbon, mais tout ça, de toute façon... bon, c'est complexe, comme tu dis. C'est complexe. Je suis vraiment désolée de te perdre. Mais oui, parce que tu dis que t'as pas d'avis. C'est bizarre de ne pas avoir d'avis alors que c'est toi qui... T'as pas d'avis, quoi. T'as peur de te mouiller ? Non, c'est que... Comme c'est complexe, c'est difficile d'avoir une position qu'on tient. Donc moi, je fais mon choix de fournisseur d'énergie. Mon fournisseur d'énergie, bah, du coup, j'ai plein de critères qui vont entrer en considération, dont l'origine de l'électricité. Il faut savoir que certains sont quand même beaucoup au charbon, d'autres plus au nucléaire, enfin voilà. Moi, je me suis dit, j'ai une centrale nucléaire près de chez moi, donc je vais faire quoi ? Je vais aller chez celui qui est au nucléaire, parce que c'est lui qui entretient les centrales, et il faut bien lui donner de l'argent pour entretenir la centrale. Donc moi, ça a été logique. Ah oui, bah, tu vois, t'es quand même pour tout ce bazar, hein, quand même. T'imagines pas autre chose. Non, mais c'est ça qui est rigolo. T'imagines pas autre chose de... Tu sais que après la Seconde Guerre mondiale et le nucléaire, tu vois, la bombe Hiroshima, Nagasaki, tu connais. Mmh. Et puis, il a fallu vendre cette énergie à monsieur, madame, tout le monde. On a fait des grilles... Enfin, l'électricité est vraiment rentrée dans toutes les chaumières. Hein ? Ouais. Ben, je pense qu'à un moment, il faut accepter notre position. Donc là, je suis dans une société qui me fournit tout ça. Il y a des avantages et des inconvénients. Et la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que je vais utiliser de l'électricité ou pas ? Donc oui, j'ai l'électricité dans ma maison. Il y en a qui vivent sans. Ben voilà, tant mieux pour eux, c'est très bien. Il y en a qui vivent sans. Dis-moi, où, qui, que, quoi ? Mais il me semble que les Amish n'ont pas l'électricité. Ben moi, j'ai vu un docu il n'y a pas longtemps, mais ça se passait en Amérique. Ben, il y en a plein, ils ont l'électricité maintenant, tu vois. Ouais. Le dernier que j'ai vu datait peut-être de longtemps. Mais voilà, certains peuvent faire ça. Ça peut être aussi une vraie réflexion, mais là, on en est loin de tout ça dans notre société à nous. C'est vraiment avec nos téléphones qu'on doit recharger tous les jours. Enfin, tu vois, on est vraiment à l'ère de l'électricité à fond, les ballons. Ça se pose même pas la question. Et même les gens... ne pas avoir l'électricité, ce serait signe de... Comment on dit de vie qui recule en arrière, tu vois ça. Pourtant, je trouve que ce serait une question géniale à mettre sur la table, quoi. L'électricité, pourquoi, pour qui, comment, Ouais. Donc, je vais revenir à mon histoire de la boulangerie sur les besoins. Donc, pour moi, d'abord, il faut identifier le besoin et puis identifier quel est le meilleur moyen de répondre à ce besoin. Donc, est-ce que mon besoin, ça peut être simplement de voir quelqu'un ? Est-ce que j'ai besoin de prendre l'avion pour aller voir un ami qui habite à l'autre bout de la terre ? Ou est-ce que si je vois ma famille qui est tout près, c'est bien aussi ? Puis après, comment est-ce que je réponds à ce besoin ? Ben, du coup, ça va induire d'autres besoins, ben, besoin éventuellement de déplacement. Ben, quel est le meilleur moyen de me déplacer pour répondre à mon besoin, par exemple ? Et donc, c'est vraiment pour moi un cheminement de pensée où il faut se demander quel est mon besoin fondamental, en fait, dans le choix que je fais. Et il y a aussi une notion de confort qui intervient, et là, de confort qui est parfois privilégié aussi. Enfin, l'électricité chez nous, c'est un privilège. C'est déjà un privilège. On peut aller n'importe où sur Terre, dans des pays qui sont moins développés. Et encore développés, ça, c'est encore un mot que je n'aime pas. Parce que, alors pourquoi tu le dis ? Parce que c'est un mot que tout le monde utilise et qui peut être compris par la personne en face de moi. Oui, bah du coup, tu pourrais inventer déjà la pensée qui va avec. Comme ça, on arrête de parler de ça. Enfin, tu pourrais là la préciser, cette pensée. Parce que je on fait une interview d'un mois, alors. Non, mais tu vois, On n'est plus capable de penser aussi, parce que tu dis, je ne me souviens plus du mot que tu disais, on fait ses choix, on choisit, c'est ça que tu disais ? Ouais. Oui, donc moi ce que je prône, c'est de faire des choix en conscience. Donc si je choisis de prendre ma voiture pour aller à la boulangerie par habitude, ce n'est pas un choix en conscience, parce que je n'ai pas conscience de tout ce que ça implique. Logistiquement, pour que je puisse avoir une voiture déjà, pour toute la route que je vais contribuer à abîmer, pour l'essence que je vais brûler, pour la pollution, enfin voilà, pour toutes les influences que ça a sur les peuples qui sont tout près des sites d'extraction de l'essence, des sites d'extraction des métaux qui ont servi à faire la voiture. Quoi, voilà. Tu crois que le bonhomme qui décide de plus prendre sa voiture pour aller chercher du pain, il va changer le cours des choses? Tu crois que c'est comme ça qu'on change les choses? Simplement conscientiser, monsieur, madame, tout le monde, ne prenez plus votre voiture pour aller chercher du pain. Vous pouvez marcher, ça vous fera du bien pour la santé. C'est ça que tu te dis que c'est comme ça qu'on va pouvoir changer les choses. Non, pas du tout. C'est super difficile de te répondre parce que tu balances plein de trucs comme ça auxquels j'ai envie de répondre. Et en fait, je crois que j'aurais juste pas le temps de répondre. Mais si, on n'a pas le temps évidemment de rentrer parce que là on est déjà à 40 minutes, c'est sûr. Mais on peut comprendre déjà les grosses lignes. Mais ce qui est intéressant, c'est d'entendre ta pensée, tu vois. Et on sent, et je crois qu'on est bien dans ce système-là. T'es pas radical, quoi. T'as pas une pensée radicale. T'es prête quand même à voir que. Allez, il faut combiner. Bon, oui, on est quand même des privilégiés, ça c'est sûr. Moi, j'aimais bien cette phrase. Oui, on n'est pas libre, on est privilégiés. Mais moi, j'attends pas que tu me dises ce que je veux entendre. Hein. Mm-hmm. J'ai envie que tu t'exprimes pleinement et que tu donnes ta vision un peu du monde. Mais comment changer ça, toi? T'as l'air de dire qu'il suffit de conscientiser les gens, quoi. Non, il suffit pas, en fait. Pour moi, le système est fait de trois pôles. Donc, il y a le pôle politique, le pôle essentiellement économique et le pôle des gens. Et en fait, pour moi, il faut activer les trois. C'est comme des engrenages. S'il y en a un qui bouge et pas les autres, ça ne va servir à rien. Maintenant, ce qui est bête aussi, c'est de ne pas essayer de faire bouger. Donc, moi, je me demande quels sont les leviers que moi, j'ai à ma disposition. Moi, je peux choisir de venir en train. Je peux choisir de prendre mon vélo pour faire mes courses. Mais c'est un privilège, ça, toi. Il y a des gens, ils n'ont pas le choix, mm-hmm. Tu vois, parce qu'on n'arrête pas de dire que... Enfin, profondément, il faut rediscuter cette question de choix. Tout le monde n'a pas le choix, tu vois. Les Gilets jaunes l'ont montré avec la taxe sur l'essence, quoi. Les Gilets jaunes devaient prendre beaucoup leur bagnole pour aller bosser. C'est pas un choix de décider d'aller travailler à 60 bornes de ta maison. Non, c'est une contrainte du système, encore une fois. Donc c'est une privation de liberté, finalement. On te fait croire que t'as le choix. Tu peux dire oui ou tu peux dire non, mais bon, c'est complexe. Oui, la première chose à faire, c'est identifier quelle est notre marge de manœuvre. C'est d'abord être conscient du système dans lequel on s'inscrit, de quoi on dépend, de ce qu'on engendre, voir où sont nos libertés réelles. Et je ne parle pas là de liberté de consommer, non, c'est la liberté, le choix que je peux faire. Il y a des gens qui sont prisonniers parce qu'ils croient qu'ils n'ont pas le choix, mais il y a des gens qui font 60 km à vélo. Il y en a qui le font en vélo électrique ou quelque chose comme ça. C'est pour ça que moi, je serais prête à le faire. Donc, il y a une notion de privilège à accepter aussi. Je peux reconnaître que je suis privilégiée et être OK avec ça. Et puis, chacun va définir ce qu'il fait, en fait, de sa compréhension du monde, de sa position, de sa vie. Je peux utiliser mon privilège pour écraser les autres. Je peux utiliser mon privilège pour aider les autres. Donc, c'est vraiment une position... c'est super difficile de développer ça en si peu de temps, en fait. Mais... Ici, là, maintenant, tu parles. Ouais. Mais tu parlais de radicalité tout à l'heure. Pour moi, la radicalité, c'est d'aller chercher au fond des choses. C'est pas juste d'être extrême. C'est une nuance pour moi. Non, mais la pensée radicale, c'est clair et net. On va pas commencer à... Enfin, je veux dire... Il y a des choses qui se sont passées dans l'histoire. Enfin, tu vois, on commence pas à dire « Oui, mais quand même, c'est bien que tati... » Enfin, tu vois, les gens se radicalisent de plus en plus dans les mouvements parce que, d'abord, ils ont en face une politique qui les écoute plus. Mm-hmm. Tu vois, je pense au sujet de l'eau. Ouais. En France, là, et les méga-bassines, par exemple. Il y a 17 projets de méga-bassines. Le politique n'entend pas. Pour la grosse industrie, Et les gens, maintenant, ils commencent, tu vois, ils commencent pas à dire, ah oui, mais on comprend. Tu vois, à un moment donné, il y en a marre. Ouais, ouais. Tu vois, il y a trop. Pour moi. Attends, il y a trop de quoi, je sais pas. Il y a trop d'injustice, c'est trop injuste ce qui se passe, quoi. Il y a trop. Ouais. C'est une minorité qui s'accapare tout contre une majorité. Mm-hmm. C'est une minorité qui ça. Ouais. Donc, à un moment donné, on y va, quoi, tu vois. Commence pas à... Enfin, voilà. En fait, moi, je suis consciente qu'il y a une multiplicité des actions possibles, déjà, une multiplicité des positions. Pour moi, si on est trop extrême, on coupe le dialogue, en fait. Si on coupe le dialogue, on n'obtiendra rien. Donc, j'ai aussi une position, un peu comme dans un jeu de société stratégique, de me demander, à partir de ma position, qu'est-ce qui est le plus utile, le plus efficace, qu'est-ce qui a le plus de chances d'avoir un impact, même s'il est minime. Et là où moi, je ne vais pas aller manifester, parce que je ne saurais pas manifester, en fait, c'est trop de monde, trop de stress, trop de... Voilà. Je suis très contente que d'autres le font. Maintenant, moi, je vais aller écrire aux politiques assez régulièrement. Il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Donc je pense que c'est bien d'avoir des personnes qui vont agir de façon différente, peut-être avec des revendications différentes, mais qui, au fond, si on va vraiment à la racine des choses, c'est le système, en fait, qui foire. Et tous ces gens-là, ce sont des personnes pour qui le système... Ouais, ils sont dans le même camp, quoi, avec des méthodes différentes. Avec des méthodes différentes, avec des croyances différentes. Mais voilà, par exemple, le nucléaire, c'est un sujet qui divise. Donc on va avoir des écolos pro-nucléaires, des écolos anti-nucléaires. Et du coup, ils vont croire qu'ils sont plus dans le même camp. Mais si, en fait, si, c'est pas grave, le nucléaire, c'est le reste, c'est vraiment le fond qui est important. Ah bah, explique-moi l'exemple, alors. Il y a des pro-nucléaires et des contre-nucléaires. Et c'est quoi qui les rassemble, alors? Ce qui les rassemble, c'est la volonté de préserver un environnement dans lequel on peut vivre. Pour moi, c'est ça la volonté qui rassemble. Après, on n'est pas d'accord sur ce qui est délétère, sur à quel point ça l'est, sur quel type de pollution est plus grave qu'une autre, sur la pollution où est plus grave qu'une autre ailleurs. Parce que les pro-nucléaires, selon toi, moi, j'ai jamais vraiment réfléchi à ça ou ni lu de choses. Les pro-nucléaires sont ceux qui pensent que cette énergie est moins dégueulasse qu'une autre, c'est ça ? Oui, ou en tout cas, c'est quand on remet de façon objective. Après, objective, ça dépend aussi d'où viennent les chiffres, évidemment, parce que là, il y a aussi plusieurs courants, plusieurs sources en tout cas. Le nucléaire, c'est une énergie qui est très très efficace, donc on va générer très peu de déchets pour énormément d'énergie. Bon, après la question revient, qu'est-ce qu'on fait avec cette énergie si on va, alimenter des jacuzzis parce que tout le monde veut un jacuzzi maintenant, c'est une tendance que je suis en train de voir. Là ça pose problème parce que c'est complètement superflu, enfin, de mon avis. Ça l'est peut-être pas pour les gens, mais alors là on revient à la question du besoin. Quel est le besoin qu'ils ont? Besoin de se détendre, peut-être. Et comment ce besoin peut être rempli autrement? Donc... Mais est-ce que tu penses pas que... Enfin, moi, j'ai déjà eu l'occasion de réfléchir à ça. Tant que... Quand je dis tous les humains, entendons-nous bien, mais c'est quand même... Société occidentale. Non, attends. Quand je dis tous les humains, c'est qu'il faut aller vers cette idée-là. Tant que tous les humains ne sont pas... des esclaves, parce qu'il y a une partie de gens qui vivent, pas chouettement, quoi, tu vois, pendant qu'une autre se prélasse, et en plus cette tendance est occupée à se transformer, parce que la pauvreté, ça grandit, ça grave, on peut plus se baigner dans les jacuzzis, par exemple. Tant qu'il y aurait une loi comme ça qui dit, tant qu'on n'est pas plus nombreux à pouvoir se détendre dans un jacuzzi, interdit le jacuzzi. Qu'est-ce que tu penses de cette idée? Moi, je suis parfaitement d'accord. Non, mais tu vois, c'est intéressant aussi de réfléchir à... Parce que je comprends que toi, ta pensée, je disais qu'elle n'était pas radicale parce que tu écoutes un peu tous les avis. Oui, mais je comprends. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une pensée aussi un peu collective, quoi, un peu autre chose que notre individu? Genre, je peux choisir, je suis libre de choisir. Mais on arrête cette pensée-là et on réfléchit plus au niveau qu'on redresse la tête et on regarde vers l'extérieur de soi, les autres, le monde, les gens, et on réfléchit un peu, tiens, tant qu'on n'est pas plus en bonne santé, pas pauvre, plus, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre, Interdit jacuzzi. Bah oui, ça... et l'avion. Mais je trouve qu'elle est chouette cette idée. Tant que ça veut dire qu'on doit, on doit se mettre en route pour que les inégalités cessent, pour mais que. Je suis d'accord. Je crois que les gens comme toi et moi, peut-être les auditeurs seront d'accord. Mais il faut se rendre compte qu'il y a une partie des gens, et donc là je reviens à la réalité, il y a des gens pour qui l'individualisme est très très fort, et ces gens-là, ben, je ne vois vraiment pas comment les rallier à cette pensée collective. Mais ça, on s'en fout. Ce serait, je veux dire, on te demande pas ton avis à toi, perso, sur quelque chose, ce serait une nouvelle manière de voir la vie, une nouvelle manière de penser le monde, de penser les gens, de faire société. Quand je dis une nouvelle, c'est pas vrai, hein. Parce qu'à l'origine, le collectif était vachement plus présent qu'aujourd'hui. Enfin, tout ça, c'est une construction aussi d'être un individu, tu vois. On est atomisé, on n'est plus solidaires les uns avec les... C'est une construction mentale, hein, tu vois, qui devient réalité parce qu'on la vit, nous, tous les jours, avec une politique qui est menée dans ce sens. Mais au fond, il faut redévelopper le collectif, quoi, tu vois. Ouais, je suis parfaitement d'accord. Mais voilà, dans la réalité, il y a plein de gens qui sont dans l'individualisme, et je pense que le fait d'être poussé à la consommation depuis à peu près les années 50, ça a aussi forgé les mentalités dans ce sens-là. Oui, mais comment faire pour changer ? Ça, on est d'accord, et ça, il y a l'histoire qui la raconte, il y a plein de livres qui... D'accord ? Mais comment on fait pour changer ? Et toi, tu reviens à chaque fois avec les gens, tu recules en arrière chaque fois en disant « Oui, mais les gens, ils sont... » Ben oui, oui, mais toi, moi, je suis individualiste aussi à ma manière, hein, faut pas croire. Toi aussi, nous qui critiquons ça, faut pas croire qu'on est en dehors de la machine, quoi. On est dedans aussi, tu vois. On devrait se réhabituer à avoir des logiques collectives, à une pensée collective. C'est pas simplement un choix individuel. Tu comprends, genre... alors je vais choisir d'aller en voiture ou à vélo. La vie, ça marche pas comme ça. C'est pas simplement un choix individuel, quoi. Oui, oui, bien sûr. Je suis complètement là-dessus. Je te suis. Mais le problème, c'est qu'il faut un politique qui suive aussi cette mentalité de privilégier le collectif d'abord, privilégier la communauté. Et s'ils font ça, en fait, ils seront pas réélus. Donc il faut que ce soit un système. Comme alors tout s'écroule, on casse le système et on refait quelque chose de neuf, c'est tout. C'est simple, quoi. Non, mais tu vois, il n'y a pas besoin de couper le cheveu en quatre, quoi. Ben, si, parce qu'il faut comprendre un minimum quand même les interactions, même grossièrement. Ben, c'est ce qu'on fait là maintenant. Voilà. Et conclusion, c'est que si les gens qui font de la politique ne sont pas prêts à changer, alors quoi ? C'est marrant ta pensée, quoi. Et quoi ? Ah, mais quand même, il faut les comprendre, quand même, il faut essayer. Mais il faut les mettre dehors et réinventer quelque chose de nouveau. Oui, alors je ne dis pas il faut les comprendre. En fait, comprendre n'est pas justifié. Je voudrais faire cette distinction-là, qu'on comprend la raison de quelque chose, c'est pas pour ça que cette raison est légitime. Ah, oui, d'accord, mais quand même, des fois, c'est très ténu, là. commencer à mettre des mots, ouais, c'est quand même justifié. En fait, on s'en fout. Ah, j'aimerais tellement... je pense que, de toute façon, le système, il y a plein de gens qui en ont marre, tu sais. Ils vont plus voter, ils croient plus à tout ce bazar. Enfin, ça va, quoi, non ? Tu vas voter, toi ? C'est obligatoire en Belgique, hein. Oui, oui, c'est obligatoire, et bah oui, je vais voter. Mais moi, j'ai déjà été pas voter, jamais eu de problème, hein. Mais... Tu sais qu'il y a de plus en plus de gens qui vont pas voter en Belgique. Mais pour moi, en fait, je trouve que l'action d'interpeller le politique et de faire une pression de façon directe est plus importante que de voter. Donc je vais participer à la vie de ma commune en écrivant au collège sur l'une ou l'autre, là ou l'autre sujet... pour les interpeller. Et pour moi, ça, c'est super important en tant que citoyen. Être citoyen, c'est pas aller voter tous les 4 ans. Et quoi, t'as déjà fait ça ? T'as déjà interpellé ? Bah, plein de fois, oui. Et quoi, t'as un retour ? Il reste 3 minutes. t'as eu un retour ? Ouais, généralement, oui. Et c'est quoi ce retour ? Les retours sont variables. Parfois, c'est des justifications de choix. Mais il n'y a rien qui change. Mais il y a des fois où l'information, enfin, où la demande remonte. Bah voilà, par exemple, comme je prends beaucoup mon vélo, bah les endroits où les voitures se garent alors qu'ils sont censés être cyclistes, bah ça je le remonte aussi. Donc normalement, il y a de la peinture qui doit être mise quelque part pour vraiment signifier qu'il y a un endroit. T'aimes bien la peinture, toi. Ouais, on en parlait au début. Hein. Je suis une artiste. Non, mais il faut que les usages soient clairs. En fait, le besoin là-dedans, c'est de clarifier que là, c'est pour les cyclistes et pas pour les voitures. Parce qu'il y a des gens qui s'y mettent sans savoir que les vélos sont censés passer là. Donc, c'est vraiment dans l'interaction sur la voie publique, l'interaction entre les usagers. Voilà, donc pour ce genre de choses, j'ai des retours, en effet. Donc, ça dépend vraiment du sujet sur lequel j'interpelle. Ouais, mais pas radicalement pour l'état du monde, quoi, le changement du monde. des petites bribes comme ça d'organisation de cyclos ou d'automobiles, quoi. Et il y a eu les éoliennes aussi. Ma première interpellation, c'était pour des éoliennes. Quoi ça ? Empêcher Ouais, j'étais pas d'accord parce que. Enfin, j'étais pas d'accord. Il y a plein de raisons pour pas être d'accord que je peux pas expliciter en deux minutes. Mais trop d'éoliennes. C'est pas il y a trop d'éoliennes, c'est que c'est développé de façon chaotique et que ça sert à rien parce que c'est de l'électricité qui va se rajouter sur le réseau au lieu de remplacer de l'énergie qu'on utilise déjà. Donc ça va juste augmenter notre consommation d'électricité, plus d'autres enjeux que je vais pas mentionner ici. Mais ouais, le système est vraiment compliqué. Et quoi, t'avais fait appel à ta commune pour parler de ça ? J'avais interpellé, donc j'avais écrit un courrier de trois pages, pour expliquer en quoi les éoliennes n'étaient pas ce qui était écrit dans le bulletin communal. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu ? Mais ils s'en foutent, moi je suis sûre. Et quoi, y a eu un retour intéressant ? Ouais, mon retour, donc j'ai rencontré le bourgmestre à ce sujet, et en fait, il m'a dit que j'avais parfaitement raison, que mon développement d'arguments était très valide. Et que c'était essentiellement un investissement financier. Donc on en revient au système financier, en fait. Oui, mais du coup, quoi ? Voilà, il a dit, vous avez raison, très bien, ça te fait une petite gratification, bravo, madame, mais pas de changement. Voilà, mais là, après, c'est moi qui aurais dû comprendre aussi que l'enjeu n'était pas énergétique, l'enjeu n'était pas écologique, l'enjeu était financier. Et comment lutter contre le financier ? Là, la question, elle est ouverte. Parce que tout fonctionne, on est dépendant de ça. Si on veut loger quelque part, on doit payer un loyer ou faire un emprunt à la banque. Ça, c'est peut-être le pire, les crédits, en fait. C'est ça qui nourrit le plus le système. Hein. Mais on est un peu prisonnier de ce système-là. Donc on est obligé de travailler. Donc on est obligé de prendre la voiture pour travailler. Et voilà, on peut faire plein de petites choses pour casser le système, mais je ne crois pas qu'il y ait réellement d'action qui puisse mettre tout à terre. Pour moi, en fait, je vais le dire clairement, pour moi, l'humanité est à peu près fichue dans le siècle à venir. Maintenant, ce que je fais, c'est mettre les gens en lien là où je peux et faire tout ce que je peux à ma portée. Et parfois, il y a du rayonnement que je ne vois même pas de gens que j'influence sans le savoir pour que la catastrophe soit un tout petit peu atténuée, en fait. Ouais, ou alors la catastrophe est là et de s'organiser par rapport à cette catastrophe qui, on dit, elle est déjà là. Hein. Bien sûr. On la vit petitement, mais si on s'intéresse un peu à la géopolitique, ouais. Y a des choses. Mais quand je dis que ça peut pas s'écrouler, ou on peut pas tout foutre par terre comme ça volontairement, c'est une manière de parler. Hein, tu vois, c'est une manière de dire qu'on soit d'accord. Que ça doit s'écrouler ce système, tu vois, c'est une manière de parler, quoi. Bah, c'est en train de s'écrouler tout seul, en fait, parce que le système contient en lui-même sa propre destruction. Donc c'est quelque chose qui, pour moi, est inéluctable. Maintenant, aller dire qu'on est déjà dans la catastrophe à des gens qui vont travailler dans des mines en Afrique, qui y meurent, bah, pour eux, la catastrophe, elle a commencé avec le capitalisme industriel, finalement. Donc la catastrophe, elle commence quand ? Ben, ça dépend où on se situe, ça dépend quand on vit. Enfin, voilà. Mais oui, donc déjà, à l'échelle de l'humanité, on est privilégié. On verra jusqu'à quand tout ça. Oui. Mais avec les changements de température, moi j'ai entendu, il y a en Espagne, on annonce, je ne sais pas si c'est vrai, parce que les chiffres, mais avec les changements climatiques, tu vois, vivre sous 49 degrés, c'est pas possible, quoi. Les gens vont devoir bouger de là où ils sont, tu vois. Enfin, c'est quand même énorme, quoi. Voilà. Bon. C'est même pire que ça, c'est la sécurité alimentaire, en fait, le vrai problème du changement climatique. Bien sûr, bien sûr. L'eau aussi, l'accaparement de l'eau, enfin, tout ça, ce sont des vraies questions, hein. Évidemment. De faire le tour comme ça en si peu de temps. Ouais. Du coup, ouais, c'est intéressant d'essayer quand même, je trouve, tu vois, parce que, j'ai le sentiment aussi, des fois, qu'on répète toutes les bêtes choses qui sont sur Internet, on répète tout, Enfin, tu vois, ça fait du bien aussi de un peu... Sortir de ce qu'on a l'habitude de voir. Oui, ou d'entendre. Donc c'était chouette de te rencontrer en live. Bah, merci à toi pour cet espace. Et avec un peu de frustration que ce ne soit pas plus long, finalement, c'est difficile de développer réellement. Bah, on a essayé des petites choses. Merci à toi. Merci à toi.